mes camarades, et il est hors de question, qu'on laisse ces voyous voler nos retraites, les camarades. Macron, depuis plusieurs années, il nous crache à la gueule, Macron. Il nous a imposé la réforme sur le code du travail. Aujourd'hui, il nous impose une réforme des retraites alors que notre dispositif, c'est le meilleur au monde, notre dispositif. Voilà, le projet, on ne l'acceptera pas, les camarades. On ira jusqu'au bout. En ce qui concerne les ports, tous les ports en France sont à l'arrêt. 72 heures d'arrêt de travail. Après de nombreux appels à la grève de 24 heures. Et contrairement à ce que peuvent dire le gouvernement ou les médias, l'activité elle est fortement impactée dans les ports. Elle est nulle, l'activité. Il n'y a plus de marchandises qui circulent, les camarades, dans les ports, avec le dispositif qu'on a mis depuis le 5 décembre. Voilà, les camarades. Juste, on va faire un petit peu de bruit pour montrer qu'on est déterminé, qu'on va aller jusqu'au bout. Parce que les camarades, nos anciens, ils se sont battus pour ce qu'on possède aujourd'hui comme acquis sociaux. Et on doit leur faire honneur. Honneur, c'est-à-dire, on doit se battre pour garder notre retraite. Parce que derrière Macron, il ira attaquer la sécurité sociale des camarades. C'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Juste les camarades, je vais vous demander tous de lever le poing en l'air, les camarades. Tout le monde, le poing en l'air. Tout le monde. Même là-bas, au fond, là-bas. On lève tous le bras là-bas. Tout le monde, le poing en l'air. Et tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale.